Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal Le Parler en langue française. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi un projet de loi portant retrait du Burundi du statut de Rome, selon la ministre de la Justice, qui est allée défendre le dit projet devant les députés. La Cour pénale internationale est injuste et partiale. La lutte contre la criminalité et la détention illégale des armes à feu a été l'objectif premier du ministère de la Sécurité publique au cours de ces trois derniers mois. Le ministre Alain Guillaume Wignoni dit que même trois escadrons ont été formés et deux personnes ont été tués ce mercredi à Mugamba dans un affrontement entre les forces de l'ordre et un groupe armé. Une autre personne a été capturée parmi les assaillants. Voilà pour le sommaire. Comme je vous le disais dans les titres, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi le projet de loi portant retrait du Burundi du statut de Rome ipso facto de la Cour pénale internationale sise à La Haye. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, explique que le Burundi s'est trompé en signant le dit statut en 2003. Selon elle, l'ouverture des enquêtes contre les dirigeants de certains pays se fait sous l'impulsion de grandes puissances dont certaines n'ont pas même ratifié ce statut, ce qui remet en cause l'indépendance du procureur de la Cour et de la Cour elle-même. Certains députés sont restés non convaincu, Léon Sevitalio. Sur 110 députés, 94 sont pour, 2 contre et 16 se sont abstenus. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, explique notamment que le Burundi, en ratifiant le statut de Rome en 2003, avait voulu se joindre au reste du monde pour lutter contre l'impunité des crimes déterminés dans ce statut, ce qui n'a pas été le cas dans la suite. Elle estime que pour la crise actuelle au Burundi, la Cour pénale internationale a travaillé de concert avec ceux qui ont voulu renverser le pouvoir pour déstabiliser le pays et les institutions. D'un côté, des députés trouvent que le retrait du Burundi de la Cour avait tardé. C'est le cas pour Daniel Gelaz Ndabidabe. Il est temps qu'on se retire de cette Cour. C'est bien clair qu'elle a travaillé de concert avec ceux qui ont voulu renverser le pouvoir du peuple. Ici, ça suscite curiosité sur comment la dite Cour ne met pas la main sur ces gens qui ont tenté de renverser le pouvoir, ce qui démontre qu'ils sont dans le même sac. D'autres s'inquiètent de la décision du gouvernement burundais de se retirer du statut de Rome, lequel en soi n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais aux yeux du député André Ndayizamba, c'est que l'Afrique n'a pas encore su bien respecter les droits des citoyens. Et concernant le récent rapport sur les droits de l'homme au Burundi, il faudrait plutôt s'appuyer sur des arguments. C'est de poser des arguments. Puisque le gouvernement dit que ces choses ne se sont pas passées. Donc ça aurait été très facile à démontrer qu'au Burundi, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Quitter la CPI, on se prive d'un système de protection fort pour les droits de l'homme. Et pour moi, c'est un recul en matière de droits de l'homme dans notre pays. Dans le futur, c'est-à-dire que les gouvernants pourraient commettre des violations graves sans qu'ils aient peur de quelque chose. André Ndayizamba est l'un des deux députés qui ont levé le doigt pour dire non au projet de loi sur le retrait du Burundi du statut de Rome. D'autres qui avaient dit non lors de la séance de discussion ont préféré s'abstenir lors du vote. Merci à Léon Sevitalio. Toujours en page politique, certains des députés qui ont été appelés pour commencer à siéger à l'Assemblée nationale en remplacement de ceux qui ont été déchus ne vont pas eux aussi répondre à cet appel. L'un d'eux qui a été élu dans la province de Muramvya, Ladislas Nindereye, indique qu'ils sont convenus de ne pas prendre part à cette institution puisqu'ils n'ont même pas participé aux élections. Suivez-le. Comme vous savez, la coalition Amizero y'Abarundi n'a pas participé aux élections de 2015 pour les motifs qui ont été suffisamment expliqués. Au niveau de notre parti, donc, nous avons reçu des instructions formelles de ne pas entrer dans aucune des institutions du pays et suite des élections aussi contestées. Et vous savez que nos membres n'ont pas été votés et ne se sont pas fait élire. Comprenez donc par là que je ne dois pas faire exception par rapport à mes collègues du parti qui viennent d'être remplacés pour avoir refusé de siéger à l'Assemblée nationale, à moins que je ne roule que pour mes propres intérêts et non ceux du parti. Mais vous vous étiez présenté aux élections en tant que coalition Misérable Abarundi et non Iprona. Non, vous savez, on a confectionné une liste commune. Notre parti a présenté des candidats au même titre que Bourassa, Agathon. Donc, nous avons transmis une liste commune à la CENI. Donc, quand vous parlez de la coalition, vous sous-entendez le parti Iprona dirigé par l'honorable Chalendi Itizé et le FNL dirigé par Bourassa. Donc, c'est une participation commune conjointe. Ladislas Nindere répondait aux questions d'Oban Nyonghuru. En page de sécurité, deux tués, un capturé, un pistolet saisi, tel est le bilan. Des affrontements sont survenus ce mercredi matin sur la colline Mutobo de la commune Mugamba en province de Bururi entre un groupe armé et les forces de l'ordre. La police à Bururi confirme ce bilan en indiquant que un parmi les présumés bandits est parvenu à passer dans les émailles du filet. Depuis Bururi, un reportage signé Jean-Pierre Misago. Il s'agit des personnes qui se rendaient au marché de Tora qui ont vu quatre hommes armés d'un pistolet et de deux grenades et qui ont averti la police de Mugamba selon des sources sur place à Mutobo confirmées par la police à Bururi. L'intervention des militaires et policiers a été rapide et des coups de feu et explosions de grenades ont retenti vers 9h du matin selon les mêmes sources. Deux parmi ce groupe armé qui se préparait à tendre une embuscade aux commerçants de vaches de retour de Tora sont morts sur le champ et un a été capturé vivant avec un pistolet selon le commissariat de police à Bururi qui ne déplore aucun dégât du côté ami mais reconnaît tout de même qu'un de ce groupe a pu se sauver alors que certaines sources à Mutobo parlent de blessés et d'arrestations parmi les civils qui ont été libérés moyennant de l'argent. Le commissaire provincial de police à Bururi le nie catégoriquement et parle plutôt de propos de nature à salir ses corps. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Nous sommes au sud et bien nous y restons. Un bateau de pêche, deux moteurs et 127 litres d'essence et trois téléphones portables et bien des habits. Tels sont les biens volés la nuit dernière aux pêcheurs bondés dans les eaux du lac Tanganyika côté Lumonge et Karunda. Les auteurs de ce vol étaient trois personnes en habits noirs armées de fusils de type Kalachnikov et une épée. Selon les victimes, jusqu'à midi de ce mercredi, la patrouille conjointe de la marine burundaise et du comité des pêcheurs n'avait rien donné. Gabriel Boutouille, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseur de poissons au Burundi, demande à la justice de dire le droit en cas de voleur attrapé. Une personne a été blessée et un véhicule a été endommagé au cours de cette nuit lors d'une embuscade étendue à la 9e transversale de la commune Gihanga. C'est sur la route Bujumbura-Rugombo. Les forces de l'ordre expliquent que c'était des voleurs qui voulaient piller les passagers, mais que des militaires qui étaient tout près de la localité sont intervenus à temps et ont pu limiter les dégâts. Les détails avec Space Caritas Cabagnana. C'était à 20h15 au moment où des tirs intermittents ont été entendus à la 9e transversale de la commune Gihanga sur la RN5, la route Bujumbura-Rugombo. Il s'agit d'un véhicule de type Fuso qui venait de la province de Cibitoke qui est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés et le convoyeur a été grièvement blessé sur les jambes. Le véhicule a été également troué par les balles. Le chauffeur ne s'est pas arrêté pour autant. Il a continué la route à toute allure jusqu'à Buringa, tout près d'une position policière. C'est là où il a demandé à évacuer son convoyeur à l'hôpital de Gihanga. Le commissaire provincial de la police dans cette province de Bubanza nous a précisé ce matin qu'il s'agissait d'un groupe de bandits armés qui voulaient piller les passagers, mais les militaires qui étaient tout près de cet endroit sont vite intervenus et ont pu limiter les dégâts. Les agresseurs se sont repliés vers la réserve naturelle de la Rukoko d'où ils étaient venus. Space Caritas Kabanyana, Kihanga, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana. Dans ces trois derniers mois, le ministère de la Sécurité s'est attelé à la lutte contre la criminalité et le désarmement des détenteurs illégaux d'armes à feu. Cette annonce est celle du ministre de la Sécurité publique. Alain Guillaume Bougnoni ajoute que trois escadrons ont été formés pour faire face au terrorisme et au trafic des êtres humains. On l'écoute. Dans le domaine de la lutte contre la criminalité, nous notons le désarmement des détenteurs illégaux d'armes à feu avec la saisie de 209 fusils de type divers, 284 grenades, 11 bombes de mortier 60, 7 mines antipersonnelles, 4 caissettes de munitions pour la mitrailleuse Kalachnikov, 289 chargeurs, 22 roquettes de lance-roquettes de type RPG-7, 46 fusées et plusieurs effets militaires et policiers. 5584 auteurs présumés d'infractions ont été arrêtés et gardés à vue, tandis que 6702 dossiers confectionnés par la police judiciaire et dont 2902 ont été transmis au parquet pour compétence. La Commission nationale permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a détruit 412 grenades, 9 roquettes au poste de police des provinces de Kirundo, Ngozi, Kayanza, Muramvya, Gitega, Karusi, Bujumbura et en mairie de Bujumbura. Dans la lutte contre le terrorisme et le trafic des êtres humains, 3 escadrons ont été formés pour faire face au terrorisme et ont été constitués. 21 officiers ont bénéficié d'une formation en matière de lutte contre le terrorisme en Égypte et au Kenya. Le cadre légal de lutte contre le trafic des êtres humains est maintenant disponible. La corruption des agents de la police de roulage de la sécurité routière a sensiblement diminué et les plaintes des usagers ont régressé de 75% dans les 2 mois qui viennent de s'écouler. Captez Isanganiro, écoutez la différence. En page santé, la faculté de médecine de l'Université du Burundi a initié ce mercredi un projet de formation des lauréats de la médecine au Burundi en vue d'améliorer la qualité des soins médicaux aux personnes atteintes du diabète et de l'hypertension. Ce projet a été lancé après avoir constaté que ces maladies chroniques sont parmi celles qui affectent énormément la population burundaise. C'est le reportage signé Didier Niyonzima. Suite à l'ampleur des complications des maladies chroniques, à l'occurrence le diabète et l'hypertension, le doyen de la faculté de médecine à l'Université du Burundi, professeur Jean-Baptiste Ngomirakiza, indique qu'il est pertinent de donner une formation aux médecins qui vont traiter ces maladies chroniques. La faculté de médecine de l'Université du Burundi a ciblé un problème de santé publique, qui est l'hypertension et le diabète. L'hypertension et le diabète, en fait, rentrent dans le cadre des maladies chroniques non transmissibles. Nous avons vu que la population burundaise est très affectée, et surtout par les complications que ces dernières amènent. C'est pour cela que nous sommes en train de donner une formation théorique, mais aussi une formation pratique à nos étudiants de fin des facultés de médecine qui sont en fin d'année. Le professeur Jean-Baptiste Ngomirakiza fait savoir que les statistiques concernant ces maladies sont en cours, mais qu'on a déjà constaté qu'actuellement le diabète constitue la 3e cause de mortalité, raison pour laquelle il faut prévenir ces maladies chroniques. Les statistiques, nous commençons à les faire, nous sommes en train de les faire, les recherches sont en cours, mais nous avons déjà vu que aujourd'hui, le diabète constitue la 3e cause de mortalité dans nos hôpitaux. Vu les gens qui meurent de l'hypertension et du diabète, et surtout des complications, j'ai parlé des complications rénales, j'ai parlé des complications ophtalmologiques, j'ai parlé des complications neurologiques, et j'ai parlé des complications cardiovasculaires, telles qu'infarctus du myocarde. Il y en a beaucoup. C'est pour cela que nous avons vu qu'on doit se lever comme un seul homme pour combattre ce fléau. Ce projet de formation des lauréats de médecine au Burundi, dans le cadre d'améliorer la qualité de l'offre des soins médicaux aux diabètes hypertendus, va durer 6 mois. Merci Didier Niyonzima. Le prix Genre et Médias édition 2016 vient d'être remporté par le journal Burundi Echo, organisé chaque année par l'Association des femmes et journalistes du Burundi, AFJO. Mais lancé Maniragaba, le rédacteur en chef de ce journal, se dit satisfait d'être à la première position dans ce concours. Je voudrais d'abord manifester mon sentiment de satisfaction. C'est vraiment courageux d'avoir le premier prix Genre et Médias, d'être à la première position. Donc, c'est-à-dire que les projets que nous avons présentés, nous avons voulu faire des portraits des femmes qui œuvrent dans le métier du journalisme. Nous allons aussi promouvoir les femmes qui jouent au football féminin et les femmes qui intègrent, qui ont été dans l'armée. Le choix de ces catégories, c'est que on dit souvent que dans le métier, par exemple, dans le métier du journalisme, les femmes ne sont pas nombreuses. Mais ce qui apparemment est faux, puisque les femmes aussi peuvent œuvrer dans le métier. Et aussi, et on dit que dans les instances de prise de décision dans le genre média, les femmes aussi ne sont pas aussi nombreuses. Mais nous voulons les encourager. Il faut qu'ils osent, si réellement les femmes sont moins nombreuses, il faut que les autres, parce qu'elles aussi sont capables. Deux fillettes ont été violées entre le 3 et le 7 de ce mois d'octobre en cours en commune Erutovu de la province Ebururi. Alexis Ndagijimana, représentant communal du Centre pour le développement familial et communautaire à Erutovu, indique que des présumés auteurs de cette infraction, dont un qui le reconnaît, sont dans les mains de la police judiciaire pour la confection de leur dossier et voudraient que la loi en la matière soit appliquée, tout en appelant aux parents de bien encadrer leurs enfants. Certains caféiculteurs qui ont vendu leur café à l'usine Kivubu, nous sommes en commune Erutovu de la province Ebururi, se lamentent qu'ils n'ont pas encore reçu leur dû, alors qu'ils disent n'avoir pas payé l'engrais chimique pour la saison culturelle et que la rentrée scolaire de leurs enfants leur a été difficile. Ils voudraient qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et le collecteur de café à cette usine met en confiance ses caféiculteurs et promet que la date de paiement leur sera communiquée la semaine prochaine. Gérard Ninhereka indique toutefois qu'il a déjà payé 30%. À la source, reportage. Les familles résidant sur Sabanégua en province d'Ongozi mènent une vie difficile. En plus de la peur d'être attaqués, les membres de ces familles sont obligés de faire des navettes Sabanégua-Mumba via Kanyaru ou par pirogue pour gagner la vie. De retour de Sabanégua, Placide Niomungere nous fait vivre le vécu quotidien des habitants de Sabanégua. Joindre Sabanégua, une pirogue locale taillée en bois est disponible. Le passager est obligé de s'accroupir dedans juste au milieu et tenir l'équilibre afin que le bois ne se renverse pas. Sabanégua est implanté dans la vallée de la Kanyaru et est surplombé des monts Kwidunesi et Rukurazodi côté Bohonde dans la zone Gatsinda, commune Mwamba en province Ngozi et Nyakabuye de la zone Rubone côté Rwande. Si Sabanégua habite deux familles avec 11 enfants et est encore couverte des champs de ces dernières et des ex-résidents actuellement déménagés vers le village. Au sommet de Sabanégua s'appelle Kukibuga Chindege, l'aérodrome, comme l'explique Uram Vievenato, le résident. Cette place est appelée aérodrome car les avions atterrissaient ici à l'époque des rencontres de la commission et les participants venaient du Burundi et les autres du Rwanda. Les Burundais qui habitaient ici sont actuellement dans le village de Gitundwe. Du côté rwandais se trouve la vallée de l'ex-Li de Kanyaru, mais la frontière burundo-rwandaise ne sème pas de zizanie, explique Uramzi. Aucun Burundais ou Rwandais ne peut confondre les limites des deux pays. De la terre extraite du Rwanda et du Burundi, nous traçons une haie comme frontière. De là, personne ne peut franchir la limite. Pour la survie, les membres de ces familles sont contraints de faire des navettes dans la Kanyaru pour atteindre l'autre rive, y compris les élèves qui vont chaque fois à l'école, souligne Hatungimana Geneviève, épouse de Uramzi. Le jour du marché, nous allons à Kizibazi ou Mihigo. Pour se faire soigner, nous allons à Buziragahama et les écoles pour nos enfants se trouvent là-bas sur l'autre rive. En cas de besoin d'être secouris, le cri est le seul moyen utilisé par les résidents afin d'alerter, ajoute Généreuse. S'il y a un problème qui survient, nous alertons nos voisins de l'autre rive par des cris et ils sont éveillés que chez Mora Envié, il y a un danger et ils interviennent rapidement. Même s'ils sont proches du Rwanda, ils ne sont pas permis de faire un petit saut, explique Pascal Massabo, chef de zone Gatsinda. Ils sont obligés de passer par des voies légales. Actuellement, les Rwandais restent chez eux comme étant pour les Burundais. Si un Burundais veut se rendre au Rwanda, il doit passer par des voies légales sur Kanyaruho ou bas. Aucun Rwandais ou Burundais ne peut emprunter ce chemin pour joindre l'autre pays. Ces deux familles restent peureuses d'être attaquées, ce qui fait que certains enfants préfèrent errer pour sauver la vie. Ils disent qu'ils ne peuvent pas tenir, qu'ils préfèrent errer. Moi, je leur dis que je veux rester ici, quoi qu'il en soit, qu'ils viennent ou pas. Le gouverneur Ngozi Albert Nduwimana tranquillise que tous les dispositifs ont été mis en place pour veiller à leur sécurité et appelle sa population à rester toujours sereine. Merci à Placide Niyomungere pour ce reportage. Et c'est sur ce même reportage que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.